revoilou. Voilà, bonsoir Sophie, bonsoir Marcus. Bonsoir, bonsoir Marc, bonsoir Philou. Bon, nous revoilà de retour. T'as fait un peu quelque chose dans l'été à la radio, toi ? J'ai rien fait, moi. Je suis pas venu à la radio de tout l'été, mais j'ai été bien pris tout l'été et j'ai pas vu le temps passer. C'est terrible, les retraités, plus ça va, hein ? Plus ils sont retraités, voilà. C'est pas une histoire de retraite, c'est une histoire de travail. Bon, je suis en train de retirer la cellophane d'un disque et ça fait du bruit, Marcus. Oui, comme d'habitude. Hein. Marcus, Philippe, il adore faire des bruits grands, annexes à la radio. Des grands. Ah, bon, voilà. Ouais. On commence par quoi, donc, Sophie ? Alors, moi, je vais commencer par un CD que j'ai retrouvé dans mes étagères. C'est un groupe qui s'appelle Paradox, que j'ai vu, je dirais, dans les années 90, début des années 90, à l'MCL de Gérard B., dont je ne me rappelais à peu près plus, puis en l'écoutant, il dit « Ah, bah oui, ça me dit quelque chose. » Donc, c'est du jazz. Et puis après, bon, en recherchant un peu ce qu'ils étaient devenus, j'ai rien retrouvé sur le groupe lui-même, donc je ne sais pas du tout quelle a été sa durée de vie. Par contre, dans ce groupe, il y avait un certain Didier Toubans, qui est aujourd'hui prof de batterie et percussion au conservatoire de musique sur Étival, Raoul Étape, Senone, Clairefontaine. C'était un groupe de Senone hein, à l'époque. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi Stéphane Escoms, qui, depuis, a l'air d'avoir fait une carrière à peu près internationale, qui navigue absolument partout. Oui, il est sur plein de projets. Il est originaire de Saint-Dié. Voilà, il est originaire de Saint-Dié, il est très demandé. Qui est très ouvert sur diverses musiques du monde, qui a joué avec tout un tas de gens partout dans le monde. Enfin, voilà. Et donc je pense que ça devait être une bande de copains qui s'étaient retrouvés à l'époque et puis qui jouaient ensemble. Mais c'était une petite soirée sympathique. Donc voilà, j'ai trouvé un morceau. En fait, ils me plaisent tous bien. C'est un petit disque, hein, il y a 7 morceaux, mais les morceaux font entre 6 et 9 minutes dans l'ensemble. Donc comme ils sont tous bien, moi j'ai quand même choisi celui qui ne fait pas tout à fait 4 minutes, histoire que tu puisses passer aussi un peu de musique, Philippe. Et Marcus, tu vas bien aussi nous trouver quelques petits morceaux. Voilà. Donc, à vos oreilles. Thank you. Bon, ben voilà, bon, c'est juste ouais, c'est très classique, très, voilà, ouais. C'est ça. On s'imagine bien assis dans les fauteuils autour d'un verre, et puis voilà, quoi. Hein? Ouais, bon, ouais. Comme dit Marcus, demain, il en restera peut-être pas grand-chose, mais bon, voilà. C'était juste pour faire une petite entrée en matière. Et donc, toi ? Alors, on va rester dans le local avec un groupe qui s'appelle Side by Side. Alors, c'est un groupe de Nancy et de la chanteuse est de Grenoble. Elle s'appelle Charlotte Bizot. Frédéric Bourgault, guitare, qui est un excellent guitariste jazz. Vraiment un excellent guitariste. À la basse, Jean-Luc Déa, qui a été le bassiste de Anna Popovic. Pendant un moment, bassiste de blues aussi. Voilà, que du bon. Et puis. Et avec tout ça, ils produisent quoi ? Eh bien, ce qu'on va écouter, c'est. L'ensemble de l'album, le spectacle, le concert surtout, ça ressemble un peu à Ricky Lee Jones, tu vois, c'est dans ces tonalités-là. Mm-hmm. C'est vraiment agréable. On a fait deux concerts au mois de juin avec eux. Et les gens ont vraiment bien aimé, étaient surpris, ont trouvé ça super. Voilà. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle American Dream. Got a bird over the sea. I got a broken Indian scream hidden deep inside of me. Got pockets in my coat, and a ticket to ride the sun. When the moon overflows the road, I think of you and it's all gone. Where my memory sticks to the clouds, give me your remedy. My word, I need an arm around a soul. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got an American dream, a tiny star lights up my nights. But I got holes in my jeans, and no more bravery to fight. I got stones in my rucksack, I got wrinkles round my soul. Give me a remedy, ooh, Lord, if I could. baby. Alors, à savoir que l'album a été entièrement enregistré dans une cuisine. Ils faisaient leur tambouille. Voilà, et que tout a été mixé par Fred Bourgeau. Et il s'en sort pas trop mal, quoi. Alors, c'est un... l'album a failli être produit par, comment ça s'appelle, un sous-label de Warner, qui est très connu. Bon, le nom ne me revient plus, c'est le label de, notamment... Et puis moi, à cette heure-là, je n'ai plus de neurones, donc... De Thomas Fersen, et etc., etc., voilà. Mm-hmm. J'ai laissé tous mes neurones à l'hôpital aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, on en réécoutera un petit morceau un peu plus cossu. Ouais. Hein, plus tard. Voilà, et bien, on revient vers toi, qui et va bah, nous passer un peu de musique... cubaine. Cubaine, les musiques du monde. Du jazz cubain, avec Orlando Cachaito Lopez, qui a une formation à la fois classique et traditionnelle cubaine, de contrebasse au départ, et qui... Et aussi le fils et le neveu de, d'autres Lopez, qui ont inventé un style cubain qui s'appelle le mambo. Francis Lopez, les opérettes? Ben écoute, oui, ça doit être ça, certainement. À Cuba. Oui, à Cuba. À Cuba, voilà. Donc le morceau s'appelle... Agozar el tumbao. C'est, ça sonne cubain, ça sonne jazz, ouais. Ça sonne bien. Là, ça sonne coup, bien. T'es quoi, sur la plage, autour d'un petit feu de bois. Ouais. On continue avec. Là, on va repasser. Tu toujours aux États-Unis. C'est pas tout à fait du bluegrass, c'est complètement différent. C'est Tellico, c'est un groupe qui a tourné cet été en France. Magnifique rencontre avec des gens hyper sympas. Je vous raconterai la petite histoire. Je suis à l'origine de l'explosion d'un groupe. Oh merde, qu'est-ce qu'il a encore fait? Un groupe qui s'était ensemble depuis 10 ans, et voilà, il a éclaté à cause de moi avant de venir en France. C'est toute une histoire. En fait, pour faire court, les autres musiciens l'ont tergiversé, mais ils ne voulaient pas se déplacer en France, c'était trop loin, trop machin, ils voulaient rester qu'à 2 heures de leur... de leur domicile, de 2 heures de route, et le groupe a explosé, donc, parce que Anya, la leader, la fondatrice, celle qui écrit, qui compose, elle veut développer, elle veut développer sa carrière, donc elle voulait aller dans les autres États des États-Unis, mais eux voulaient pas, ils étaient pépères, d'excellents musiciens, mais trop pépères. Ça faisait 4 ans que j'essayais de la faire venir, et puis à chaque fois, ça ne l'a pas fait à cause de moi, une autre fois c'est à cause d'elle, et puis du groupe, et puis elle m'a dit cette fois-ci, on n'allait pas tergiverser pendant des années, donc elle s'est jetée à l'eau, et elle est venue avec d'autres musiciens, d'excellents musiciens, mais alors des jeunes, très jeunes, enfin jeunes, tu vois, là-bas, entre 20 et 30 ans, et on a rigolé tout le temps. Elle a la quarantaine bien tassée, et on a rigolé tout le temps, elle dit, ça fait plaisir d'être avec des jeunes, et puis dès que j'ouvrais la porte de camion... Tu t'arrêtes à une station-service, hop, il sortait dehors, il jouait au ballon, il jouait au tennis. Il y en a un qui avait même emmené son skateboard dans le sac depuis les États-Unis. Et hop, sur la planche de skateboard. Un petit slide. Alors j'étais obligé de leur dire, attention, on s'arrête, mais ne sortez pas. Mais tu t'arrêtais 2 minutes, hop, il sortait, il jouait au ballon. C'était dingue, c'était assez sympa, voilà. Alors, pour revenir au morceau, c'est le deuxième album de Tellico. Donc, auparavant, il y a... Donc, Tellico, c'est le groupe de ceux qui sont restés aux États-Unis, non, qui sont venus. Alors, c'est assez drôle, parce qu'il y a plein de groupes qui, en ce moment, qui se brise et où ça devient le leader ou la leader qui met son nom en avant, et le nom du groupe est seulement second comme accompagnateur, de manière à pouvoir changer ou interchanger les musiciens régulièrement. Oui, chose qu'ils font beaucoup plus que nous là-bas. Ouais, alors Delia, au départ, c'est un groupe qui s'appelait Delialo, qui a explosé une première fois, et il a ressorti un album tout seul, un petit EP acoustique dont on écoutera des morceaux. Et un an après, il a reformé un autre groupe qui s'appelle Tellico, mais avec 3 des 5 musiciens qui étaient dans le groupe précédent. Ouais. Et puis donc elle est repartie comme ça pendant 5 ans, et puis là, comme elle me disait, ça fait 10 ans qu'on travaillait ensemble, on a fait le tour, c'est comme un vieux couple, voilà, on se sépare, je vais aller rechercher d'autres musiciens, d'excellents musiciens, ça va le faire. Alors elle fait partie de la... alors donc maintenant ça s'appelle Annie Henkel et Tellico, et un autre groupe d'Asheville, c'était The Unocutor, qui est plus country, un peu plus rock. Pareil, c'était Amanda Platt, et le groupe s'appelait The Unocutor, et il y a eu une session, donc l'année dernière, c'est devenu Amanda Platt et The Unocutor. Il y a une scène musicale à Asheville qui est assez en acoustique, qui est assez impressionnante. Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas loin du festival du Merlefest. Ceci expliquant cela, mais voilà, et c'est un album qui a été produit par comment il s'appelle, je regarde vite fait, John Doyle, c'est le guitariste irlandais du groupe Solace, le plus célèbre des groupes irlandais des États-Unis. C'est une renommée internationale qu'ils ont. Et donc c'est lui qui a habité un certain temps à Asheville, ou qui y habite encore, et c'est lui qui a produit cet album. Alors il faut dire qu'Asheville, c'est peut-être une ville qui est grande comme Épinal, hein, c'est pas... et c'est assez impressionnant de voir la scène musicale qui s'y trouve. On va écouter un morceau qui s'appelle Courage for the Morning. Alors, quoi ? Ouais, non, dire, non, courage non, non, non, non, non, mais c'est d'après les, c'est un, c'est. Le titre m'amuse. C'est les paroles de, enfin c'est les paroles. Le titre c'est une parole de Martin Luther King, c'est-à-dire levez-vous le matin avec courage, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, faut y aller, faut se battre quoi. C'est plutôt engagé. Voilà, donc on écoute le morceau qui fait 3 minutes 47. Donc Marcus qui se plaignait que les morceaux étaient trop courts. Donc avec mon discours, ça doit faire 6 minutes 47. Did you ever walk when your feet were tired? Did you ever walk when the road was gone? Did you ever sing when your heart was aching? Did you ever sing just 'cause there's a song? Et voilà, et voilà. Hein. Ouais. Pas mal. Mais bon, pas trop longtemps quand même pour. Mais si, mais tu en auras d'autres. Ah ouais, non, mais c'est quand même. Bon, il y a un côté soporifique, on peut pas le nier. Mais bon. C'est le soir, qu'est-ce que tu veux hein, il faut que les gens s'endorment correctement. Okay. On va pas les bousculer. Justement, je fais pas dans le violent, on va faire dans le cool quand même. Wait on Me Mama, tout ça, c'est un morceau de Junkhouse, ça date là, milieu des années 90. Mais bon, on n'en écoute pas souvent et ça fait toujours du bien. Voilà, c'est parti. Mmh. passion stone. I kiss your face when I get home. Leave my pockets off full of love. Better pack your trunk, better fill your glove. Gotta wait on I'll pick it up somehow. Been so long, ain't got no money. Ain't no sun in the land of honey. Dragging my bones right through this dirt. Wear my heart out of my shirt. Got weight on me, mama. I'll pick it up somehow. Got a weight on me, mama. Pick it up somehow. Got a weight on me, mama. Pick it up somehow. Voilà, Junkers à l'instant. Merci. Alors, les commentaires? Non. Philippe se réveille. Non, non, non, pas de commentaires. Moi, ouais. J'écoute, voilà. Ouais, moi aussi, j'ai bien écouté. Je suis un peu endormi, mais bon. J'enchaîne après tes morceaux, alors je peux pas... j'ai pas trop le choix. Ah, on est revenu, enfin. Salopard, celui-là. Eh ben moi je vais enchaîner avec Tichino Rosa, qui est donc une américaine d'origine mexicaine et qui, petite adresse à Trump, considère que c'est une très grande chance pour elle d'être issue de deux cultures différentes parce que ça lui a donné une ouverture d'esprit qu'elle pense beaucoup plus importante du fait de ses nombreuses influences. Et voilà, pour... le petit détail, par rapport à ce que tu rapportais des musiciens que tu as rencontrés cet été, qui sont très contents de leur gouvernement. Oui. Pour en parler, bon. ils veulent venir en Europe. Oui, ma foi, en Europe, ça se gâte aussi un peu, mais bon. Et donc elle a fait en 96 un CD à destination plutôt, enfin ou ayant pour sujet les enfants. Et là, je vais vous passer un morceau qui s'appelle Every Child. Et en fait, c'est un morceau, c'est un ami compositeur à elle, Robert Beto Skiles, qui a écrit la musique et elle a eu envie, enfin il a écrit la musique pour sa fille et elle a eu envie de mettre des paroles dessus, voilà. Et en fait, elle dit que chaque enfant doit pouvoir croire dans de bons lendemains qui pourraient leur apporter des bonnes choses. Voilà, donc, Tish Ino Rosa. Veo en cada niño un porvenir, esperanza y fuerza y paz. Mi ocupación es dándoles razón que la fe no pierdan jamás. Yeah. Alors, eh ben, c'est bien, c'est sympa. C'est tout frais, hein. c'est sympathique. C'est elle qui joue de la guitare acoustique, elle s'accompagne en chantant, et puis elle chante dans ses deux langues, ce que je trouve assez bien aussi. Ouais. Elle a couplé en américain, le même en espagnol. Ouais, c'est tout frais, tout frais. Hein, bah oui, j'ai pas eu la chance de la voir sur scène, Loulet l'avait vu, lui, mais moi pas. Mais, il l'avait vu où Bon, je me souviens plus. C'était au bout, début des. Ouais, milieu des années 90, je dirais, un truc comme ça, probablement. Ça fait un certain temps. Ouais. Bon, oui, elle a bien un peu plus de 60 ans aujourd'hui, je dirais. Ouais. Parmi les autres rencontres que j'ai fait cet été, Mike Ecken. Alors, Mike Ecken, je l'avais sonorisé l'année dernière pour Jean-Pierre Thomassin, qui a une émission Coast to Coast sur une radio concurrente et néanmoins amie, RCF. Il m'avait demandé de sonoriser le. Voilà, bon, j'avais dépanné comme ça. RCF à Épinal. Non, RCF non. Nancy. Ah, Nancy. Ouais, parce que je suis pas un sonorisateur né. Et puis, bon, j'avais vaguement sympathisé avec Mike, mais toujours avec un doute de me dire. Est-ce que, avec son look, est-ce que c'est un redneck ou pas? Parce que pas trop le temps de discuter, on s'est vu un soir, et puis il voulait que je le fasse tourner, donc je l'ai fait tourner cet été, et magnifique découverte. Un couple adorable, on a rigolé tout le temps, on rentrait à 1h du matin, et ensuite c'était... voilà. Jack Daniels, jusqu'au petit jour. Jusqu'au petit jour, on a dû en vider 3 en une semaine. À deux et demi, même pas, à deux. voilà, c'est pas à cause de ça, mais en fait, j'ai découvert un personnage. ça rend tout bien, hein, Jack Daniels. Alors, sa mère est française, elle est partie avec un GI après la guerre. Lui, il parle pas un mot de français, mais son épouse, qui est totalement américaine, parle assez bien le français. Ils étaient fermiers au départ, et puis, enfin, fermiers, ils avaient une petite exploitation, ils vendaient des poules, des cochons, et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus tuer les animaux, et son rêve, c'était d'aller sur l'eau. Donc... Il a monté un abo... Non. Un abattoir donc, sur donc, l'eau. Donc, vite fait, ils sont devenus végétariens parce qu'ils n'arrivaient plus à tuer les animaux. Ok. Donc, et puis, ils sont partis, voilà, puis en même temps, ils mènent une carrière de musicien. Régulièrement à Nashville, ils jouent régulièrement. Le rapport avec l'eau ? Aucun, mais ils vivent sur un bateau. Ah, d'accord, maison. Ils oui, vivent sur même. Un bateau à Norfolk, Virginie. Et le reste du temps, il est à Nashville ou en tournée. Là, ils sont en tournée jusqu'à la fin du mois, jusqu'à début décembre. Là. Ils sont rentrés aux États-Unis la semaine dernière. Et puis, c'est des gens qui sont paradoxalement engagés. Même si la musique reste relativement country, ils sont assez engagés. Par exemple, leur album est fait, entre autres, sur du papier, du carton de récupération. Et les paroles, enfin, les textes de ces paroles, c'est toujours en faveur soit des plus démunis, soit ils parlent de la mer et des déchets qu'on laisse dans la mer, de problèmes écologiques, enfin de tas de choses qui ne sont pas les habituelles paroles de country, quoi. Donc il est très apprécié pour ça aux États-Unis parce qu'il chante autre chose que des histoires de camions et de cow-boy et d'amour, voilà. Et de kilomètres. Alors le titre qu'on va entendre s'appelle Nashville Skyline. Et ça parle en fait des musiciens qui arrivent à Nashville en se disant « je vais devenir célèbre ». Et il dit « il y en a plein les rues des musiciens qui veulent devenir célèbres, c'est rempli de super musiciens, mais ils restent 1 an, 2 ans et puis ils s'en vont. Et puis le coût de la vie devient de plus en plus cher à Nashville ». Et il dit c'est un espèce de miroir aux alouettes, quoi. Il y a peu d'élus, mais ils vont tous à Nashville, parce que Nashville, c'est Nashville. Là, oui, c'est la tradition. Il y a des producteurs escrocs. Il m'a raconté qu'il y a des producteurs. On écoutera un morceau tout à l'heure d'un mec qu'un producteur a fait miroiter une carrière et que, bon, qui n'a pas vraiment le niveau au niveau vocal. Il faut vraiment qu'on l'écoute. Si, tu verras. À chaque émission, non, il faut non, qu'il nous fasse si, écouter un nanar. Mais si, parce qu'il faut bien comparer les nanars à ce qui est à peu près bon. Voilà, donc on va écouter le morceau Nashville Skyline qui fait 3 minutes 03. Voilà, j'ai tenu 4 minutes. Heaven, but I call you home. My sky's intense. some cities I can't recall their names. Miles and miles, oh, keep pulling me to that Cumberland River Valley. Every time I see that 615, I know she's calling me. Next thing I know, I'm back on 65. Ben, c'est sympathique cette affaire. Bon, s'il y a des auditeurs qui ont envie d'appeler, je rappelle que nous sommes sur Radio Guémozo, que vous pouvez nous contacter au 03 29 62 40 40 et que vous tomberez en direct sur nous si vous êtes bien jeudi soir. 12 septembre. Oui, oui. Si c'est un autre jour de la semaine, ben, non, on n'est pas là, ce sera. Oui, parce que c'est rediffusé quand, comme d'habitude Bon. Pour l'instant, ça ne change pas. Samedi minuit et mardi, 16h. Bon, voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, nous allons écouter... un petit peu de Spencer Boren. Spencer Boren, oui. Spencer Boren. Oui, bien sûr, oui. Avec un petit peu de guitare, lap style, percussion, enfin tout le bazar. On reste un peu dans le style. Le morceau s'appelle « Sand to Sand ». Sand to sand, right? Moon coming up in the purple skyway. I'm heading south down a lonesome highway. Night is falling across the land, dust to dust, sand to sand. Voices drifting across the lake. Pray the Lord your soul to take. Voices tell me what to do. Voices always tell me who. I won't be there when the morning comes. I'll get there just behind the sun. I'll stay there, get my business done. And in the middle of the night, I'll be riding down a lonesome highway. us done. And in the middle of the night I'll be riding down a lonesome highway. Fait du bien aux oreilles. Hein. Ah, c'est bien. Une bonne hein, guitare. Bien, hein. Bonne, j'aime beaucoup sa voix, moi. Un peu légèrement éraillée comme c'est... ça. Ouais, c'est très, très agréable. C'est bien, c'est du bon petit blues. Ouais. Hein. Et tu nous enchaînes ça avec quoi, Marcus ? Oh, ben, un autre qui est connu aussi. Alors, lui, très ricain. Hein. Il fait soit de la country rock, soit de la country blues, soit de la country tout court. Mais pense que t'as pas choisi la country. J'ai essayé de vous trouver autre chose quand même. Bon, là on est quand même plus proche du rock. Roy Rogers avec un petit morceau qui s'appelle Checking In With The Devil. Ouais. Line of fire. are not easily healed. They need a dose of common sense. How much sense do you have to have? Let a child grow up and live. The devil, he works his power anywhere he wants to go. A deadly game you will never win. We just can't take it no more. Oh. Ben voilà, un petit coup de Roy Rogers. Ouais, moi j'aime bien. C'est bien. Bon choix, Marcus. Ouais, mais comme nous, tu fais que des bons choix. Tu sais quoi, j'avais même oublié ce que c'était, donc j'ai passé un morceau pour me rappeler. Ouais. Bah, et on est là aussi pour découvrir notre musique. Oui, et redécouvrir, oui. Redécouvrir. Oui, dans les chanteuses françaises... d'origine américaine qu'on sait plus, j'ai bien dit que pas que l'on ne sait plus, mais qu'on sait plus. Oui, si bah oui, c'est un ancien esthète en retraite là qui vous cause. Hein. Si elle... cause bien dans le poste. Ouais, qu'on sait plus problème, si elles sont françaises ou américaines, qui vit en Charente, Martha Fields. Qui fait de la country américaine en France, voilà. Je n'en dirai pas plus. Parmi ces musiciens, on retrouve le célèbre Manu Bertrand, qui a été un guitariste pour un tas de musiciens français, qui a tourné avec un tas de gens, qui a été récemment guitariste pour Chaka Ponk, Gilda Sarzel, etc., etc. Un excellent guitariste. Donc, on peut penser qu'il fait ça correctement et pour son plaisir. Le morceau que nous allons écouter s'appelle... Maxine, à ne pas confondre avec Maxime. C'est le féminin de Max. Ouais, peut-être. Bon, allons-y. Maxine, poor girl painted Eh ben, c'était très court. Hein, c'est 3 minutes. Moi, c'est que du 3 minutes c'est aujourd'hui. C'est que du 3 minutes. Bon, c'est que de la country. C'est, oui. Ah oui, t'as que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, bon. J'ai que ça. Ben, tant pis. tant mieux. Pardon. Eh ben, moi, je vais enchaîner avec carrément autre chose qui n'est pas du tout de la country. C'est plutôt de la bossa nova. Et avec un album de Putumayo, donc... des albums où il y a un petit peu des morceaux de partout. Donc là, c'est Kad Ashoury. La chanson s'appelle « Mon père à moi ». Et Kad Ashoury, donc, c'est quelqu'un qui est d'origine à la fois espagnole et puis algérienne. Ouais. Voilà, donc c'est... qui s'est pas mal baladé en France, qui a vécu à Barcelone et qui vivrait là plutôt à Londres. Et qui a donc des influences très diverses de bossa nova, de jazz, de musique électronique, de chansons françaises, de reggae, hip-hop, enfin, etc. Et voilà, donc le morceau s'appelle « Mon père à moi ». Ça fait 50 ans qu'il est là, 50 ans donnés à l'État, 50 ans qu'il ne compte pas, 50 ans qu'on ne le voit pas. Sur tous les toits, par tous les temps, au fond des mines ou à l'usine, fraiseur, tourneur ou éboueur, avec l'espoir d'un jour meilleur. Mon père à moi, ton père à toi, sont-ils sans les médailles, sans les honneurs, ces hommes que moi je n'oublie pas. Il a laissé derrière ses 20 ans de jeunesse, il a laissé derrière ses frères et sœurs sa si belle terre, courber l'échine et ne rien dire, avec si pour vivre, rêver souvent de repartir et ne plus jamais, non, jamais revenir. Mon père à moi, ton père à toi, combien sont-ils sans les médailles, sans les honneurs, ces hommes que moi je n'oublie pas. On va donc, comme Philippe n'est pas vraiment tout à fait prêt, mais si, je suis on prêt, va mais enchaîner avec un autre morceau du même disque de Bossa Nova. Et là, c'est un Serbe qui est à la fois trompettiste et puis compositeur et qui s'appelle Dusko Gojković. Hein, et bon, qui est apparu sur des scènes de jazz européennes dans les années 50. Donc voilà, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui. Le morceau s'appelle Meninja Mocha. Thank you. Dusko Gojkovic, qui a joué avec, s'il vous plaît, Chet Baker, Stan Getz, Miles Davis, excusez du peu. Voilà, donc il s'est d'abord fait un nom à Belgrade, et puis après il a un peu bougé en Allemagne de l'Ouest à l'époque, et puis voilà, donc il a joué avec tout un tas de gens. Et ouais, c'est plutôt bon, moi je trouve. Hein. Ah, ça voilà. M'aime bien, c'est, bien, voilà. bien. Petite découverte du jour. C'est bien. On va revenir à Mike Eken. Alors ça, c'est son avant-dernier album qui a été nommé au Grammy Awards, excusez du peu, justement à cause de ses textes. Et puis, il commence sur cet album à avoir de bons musiciens. Donc le morceau s'appelle Coltrane. Alors Coltrane, ça parle des trains de charbon qui arrivent sur le port de Norfolk, mm-hmm. et qui sont envoyés en Chine. Alors ce que Mike me racontait, il disait en fait les trains de charbon partent des États-Unis pour la Chine. En Chine, avec ce charbon-là, ils font tourner leur industrie de merde, pour pas dire autre chose. Ils polluent énormément parce que il y a aucune norme écologique là-bas, donc ils polluent et les produits chinois reviennent aux États-Unis par le même port de Norfolk. Donc il dit c'est complètement fou quand on pense au désastre écologique que le fait d'expédier du charbon là-bas et de le faire revenir, et ils polluent et sans contrôle et, voilà. Donc l'histoire parle de ça, ça s'appelle Coltrane. On en voit. How long do they

s'il te menace, attrape pas froid aux yeux, ma belle enfant terrible. Prends ton courage à demain libre. Je veux pas que tu maigrisses du cœur en suivant des régimes de peur. Et voilà une petite chanson pour les petites filles. Ouais, ouais, c'est. C'est pas joyeux, c'est pas joyeux, joyeux, hein. Oh, si, c'est joyeux, c'est dynamique. Ouais, ouais. Bon. Alors, donc, je t'ai refilé mon superbe. Alors, CD, c'est moi qui fais la présentation. C'est toi qui fais la présentation. C'est un super CD que je ne connaissais pas. Eric Bibb live à FIP. Voilà. FIP. FIP Radio. Voilà. FIP c'est Radio. Un album de 2008. Et le morceau que nous allons écouter est, s'appelle Stagoli, c'est un traditionnel. On peut y aller. Police officer, how can it be you can rest everybody but cool Stagoli? Talking about the bad man, old Stagoli. Billy Lyon told Stagoli, please don't take my life, I got two little children and a darling loving wife. He told a bad man, old Stagoli, what I care about your children, your darling loving wife. You done stole my fine Stetson, I'm bound to take your life, said the bad man, old Stagoli. Boom, boom, boom, boom, went that 44. Then I spied Billy lying on the floor, talking about the bad man, old Stagoli. You know Stagoli shot Billy, shot that boy so bad. The bullet went through Billy and broke the bartender's looking glass. Talking about the bad man, oh cruel Stagoli. Gentlemen of the jury, what you think of that? Stagoli shot Billy about a $5 Stetson hat. Talking about the bad man, oh cruel Stagoli. At the gallows, had his head way up high. 12 o'clock they killed him, folks glad to see him die. I'm talking about that bad man, oh cruel Stagoli. Talking about that bad man, oh cruel Stagoli. C'est magique quand même. Quelle, ouais. quelle présence. Une guitare. Une voix. Et puis oh voilà. Là, là, là, là. C'est... Bon, on n'est pas tous égaux. Non, mais on a la chance d'avoir des oreilles. C'est simple, c'est. Oh là là là là. Donc tu vas. Eh ben merci pour cette découverte, je vais repartir avec. Essayer de faire venir. Non, bah attends. Steve Earle, Eric Bibb, Lucinda Williams, ça commence à faire beaucoup, quoi. Tu fais un trio. On fait un trio. On va continuer avec Arthur H. Ah ouais, un petit Arthur H. Ah, ouais, Arthur H. Bon, c'est peut-être pas la peine de le présenter tant que ça, si, le fils prodige. Et qui va nous chanter La boxeuse amoureuse. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La percute, un percute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres. Un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxe. Ah, sa voix m'enveloppe comme une caresse. Qu'est-ce que c'est bien. Ah ouais. Donc vous êtes bien sur Radio Guémozo sur cette FM. Hein. Voilà. Oh, et on vous offre de l'excellente musique. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. On prolonge. C'est vraiment pas le moment de mettre un nanar. Ah, c'est pas un nanar. Le nanar, ça sera pour la fin. Là, je te pardonnerai pas. Un petit morceau de Willie Dixon. L'original, c'est de Willie Dixon. Ça s'appelle I Am the Blues et c'est la version de Rob Lutt. Très bien. Voilà. Ouais, c'est bien. Ne pas confondre avec celle-là. Marc ouvre des grands yeux surpris. You should have known better, but you weren't watching carefully. Now your life is tumbling slowly into the sea. Everything is blowing up, and it was you who lit the fuse. That's when I show up. I am the blues. Heartache and hunger are holding you by the hand, and you're lost in a world that you do not understand. When the morning comes, you're reaching for the booze. That's my warning. C'est derrière, hein, on disait il n'y a rien derrière. Y a-t-il rien quelque prévu. Chose ensuite. Mais Marcus a toujours. C'était relativement facile à deviner. Bah évidemment, on va rester sur Willie Dixon. Allez, go easy. Thank you. bah voilà, ça passe toujours bien. Ah bah, oui, toujours, alors. Toujours. Oui, c'est très enveloppant aussi tout ça. Un des gars qui s'est fait reprendre des centaines de fois, pas toujours déclaré, mais. Pillé. Oui, ça pillé, absolument. Alors, on va enchaîner avec un petit peu de Tango Around the World. Donc là, c'est une artiste portugaise qui a d'abord débuté avec du fado et puis qui ensuite s'est mise un peu plus vers des rythmes tango. Voilà. Donc le morceau, elle s'appelle Liana, le morceau s'appelle Estrela da Tarde, ce qui veut dire l'étoile du soir. C'est un charmant mélange de fagot. C'est un beau petit fagot qui va vous brûler les oreilles. L'hiver arrive. Fado, tango et puis quelques rythmes électroniques. Voilà. Estrela da Tarde. Que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar é que amanheça e o meu corpo te guarda. Tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E na estrada mais linda da noite, uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar é que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura. E é pranto, é por ti que adormeço e acordo, e acordado acordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despido de mágoa e de espanto. Nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Ça vous a plu? Un petit tango, là. Hein sympa, oui. Hein. Bon, alors, donc c'est encore moi qui enchaîne, c'est ça? C'est encore toi, hein, qui enchaîne avec un petit morceau, sinon... Je vais vous passer de la bonne colombienne. Non, je vais passer de la mauvaise country. Oui, non, non, ça, on a dit non. Mais non, on non, mais pas. C'est parce que j'ai pas voulu. Non, mais tu l'écouteras dans ta voiture, j'ai en rentrant, puis auditeurs. Tu pleureras non, tout du long, mais tout seul. J'ai eu pitié des auditeurs. Là, je vais vous passer à Lucho Bermudez, La Fiesta de Negritos. Bon, c'est très ancien, hein, mais c'est un excellent... is one of the most famous performers. Un génie de la clarinette. Bon, c'est quand même un monsieur qui est né en 1913, hein, et qui a vécu jusqu'en 1994. Voilà, voilà. Lucho Bermudez, Fiesta de Negritos. Frais comme si ça venait de se faire. Hein, ouais. C'est de la colombienne, c'est bien. Hein. C'est une bonne colombienne. La, la, la, la, la, la, la. Bon, c'est toi qui vas nous faire le, ouais, on le quasi ouais, le final. Ouais, ouais. On termine avec Anya Hinkle. Alors, c'est quand je Anya Hinkle. Hinkle. Quand je parlais de son premier groupe Dali Allo. Donc elle a enregistré avec Dali Allo et ensuite elle a enregistré un album avant de sortir des albums avec Tellico. Où c'est un peu la maquette des albums suivants qu'elle fera avec Tellico, puisque figure Forsaken Wind, Lonesome Valley, Ravens on the Crow, Akatombo, qui ont été repris différemment. Et aussi une chanson qui s'appelle qui a pas été enregistrée ailleurs que sur son EP là, Flying Circus Operator, qui est une énigme, parce que c'est une chanson que j'ai tendance à écouter en boucle, je ne sais pas pourquoi. et dont je ne comprends et rien. En fait, là est l'énigme. Donc, amis auditeurs, si vous souhaitez résoudre l'énigme de Philippe, et il faudra au moins un puissant psychanalyste. Et je ne comprends pas les paroles en plus, parce que c'est. Bon, j'ai même demandé à. Américains, ils ne comprennent pas non plus. Ils disent que c'est difficile de comprendre chaque mot différent, surtout que chaque État a un accent différent. Voilà. À part Flying Circus Operator, qui est le titre d'une série des Monty Python. Aussi, oui. Également. Voilà. Ça parle de rouille, de machin, de... Bon. Et de trucs. Voilà. Et je l'écoute et ça me plaît. Pour la petite anecdote, encore une, Annie Heinkel a été championne des États-Unis par équipe de cyclisme. Mm-hmm. Une sportive. Et tu lui as fait faire du vélo ? Non. Dans les Vosges ? Non, elle courait tous les jours, elle faisait ses trucs, voilà. Ouais. Voilà. Et toi, tu sirotais ta bière, tranquille ? Je bois pas de bière. Elle partait courir, moi je réparais le camion. Donc, voilà. On écoute Flying Circus Operator. Thank you. Et voilà, avec Anya. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Il en est tout émoustillé. Ah non, il y a un truc dans cette chanson, je ne sais pas ce que c'est. J'ai hâte qu'elle m'envoie les paroles, parce qu'il y a un truc. Je vais peut-être être très déçu, mais voilà. C'est un truc que je suis capable de remettre trois fois de suite. Je ne sais pas pourquoi. Là, on n'a pas le temps, hein, Marcus. Non, on va passer à quelque chose de péchu. Non, même pas. Non. C'est un groupe qui a été péchu, mais pas le morceau là. Le morceau, il s'appelle, je sais même plus, Ghost Town. Et c'est The Specials, histoire de changer un petit peu, de varier un petit peu pour la fin. Ouais. Dernier morceau de la soirée. Ça fait du bien cette petite reprise musicale. Ouais, en douceur. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était en douceur. Moi, ça faisait quand même pas loin de 3 mois, non ? Non. On en a fait une. J'en ai fait une en juin, j'ai fini. En juin, c'est sûr. Moi, j'ai fait. C'est en juillet qu'on a arrêté d'en faire, hein, je crois bien. Ouais. Ah oui, on en a fait une le 4 juillet. Ah, 4 juillet. Ah, c'est moi. Ah oui, oui. C'est moi. Il n'y a pas eu le mois de juin. Mais non, j'étais là aussi, moi, le 4 juillet. Non, tu étais là, toi ? C'est la semaine d'après que j'étais. Oui, on en a fait en juillet, mais on n'a pas fait au mois de juin. Pas du tout. Zéro. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. On recommencera plus. Non, on va enregistrer parce que voilà, on n'est pas souvent là en fait. Enfin, parle pour toi. Hein. Moi, je suis encore un peu au boulot. Ouais, quoi. Ouais, ouais. L'émission est rediffusée le mardi à 16h et le samedi à minuit. Voilà. Enfin, le samedi et le mardi qui suivent. Voilà. Et puis on revient dans 2 semaines. Moi, je reviens. Dans 15 jours, moi, je rentre spécialement pour l'émission. Mais notez-le, on va lui mettre une auréole si ça continue. Je ne sais pas dans quel état, mais bon, voilà. Voilà. En attendant, on va vous souhaiter une très très bonne suite musicale avec Radio Guémozo, qui a la meilleure bande-son du monde de la radio. Oui, oui, oui, oui. Oui. Et des Vosges. Et des Vosges. Allez, bye bye. Bye bye. Salut tout le monde.